إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 6 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala wal Bara fi al Kitab wa Sunna, la réalité de l'allégeance et du désaveu dans le Coran et dans la Sunna, et entre les différentes formes d'extrémisme qui existent par rapport à cette question et l'innocence de la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de ces deux groupes d'extrémistes. On est arrivé maintenant au premier point qui est expliqué dans le livre par rapport à la question de al-wala wal-bara. On avait expliqué au premier cours qu'est-ce qui se passe dans le livre par rapport à la table des matières, qu'est-ce qu'il y a dedans. On a expliqué que le livre au sujet de la réalité de Al-Wala Al-Bara se divise en 9 points. Et donc, après avoir terminé l'introduction, donc on commence le premier. Le premier d'entre ces 9 points qui est Ta'rif Al-Wala Al-Bara, c'est-à-dire la définition de Al-Wala Al-Bara. Qu'est-ce que ça signifie Al-Wala Al-Bara? Donc, on va commencer avec cette explication là, et les ulama, ça fait partie de l'habitude des ulama de commencer toujours par définir le sujet dont ils veulent parler. Et le fait de définir justement ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut les choses dont on veut parler en commençant, eh bien c'est quelque chose qui fait en sorte que par la suite on évite toutes sortes d'ambiguïtés et toutes sortes de d'amalgame ou d'erreur de compréhension, parce qu'on se met d'accord sur ce qu'on veut dire lorsqu'on parle. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que quelqu'un utilise un mot, mais il veut dire par ce mot-là quelque chose de spécifique, tandis que une autre personne utilise le même mot, mais pour lui, ce mot-là signifie autre chose. Et donc le résultat de ça, c'est que ça crée une ambiguïté, une amalgame. On n'est pas capable de se comprendre parce qu'on ne veut pas dire la même chose lorsqu'on parle de ce sujet-là. Et donc c'est pour cette raison-là, ça fait partie des raisons pour lesquelles il est important de bien définir les choses. Et de les définir non seulement sur le plan linguistique, mais de les définir sur un plan également religieux. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent les deux définitions, la définition linguistique en arabe selon les linguistes et qu'est-ce que les savants de la langue ont expliqué par rapport à la signification de ces mots-là dans la langue arabe, et on parle en particulier de la langue arabe classique, et la définition religieuse qui se réfère aux définitions qui sont basées sur les preuves dans la révélation. Et souvent, qu'est-ce qu'on remarque de la part de certains individus parfois qui font des explications par rapport aux définitions? Ils parlent de la définition linguistique, mais ils donnent une définition par la suite, qui est une définition qui n'est pas supportée nécessairement par une preuve, par des preuves, des textes. Et ça, qu'est-ce que ça fait par la suite? C'est que ça amène à des fausses compréhensions ou des erreurs de compréhension, des erreurs de, d'interprétation aussi parfois. Donc, c'est bien important de revenir aux définitions selon la langue arabe et en même temps aussi selon la charia, selon le Coran et la Sunna et les paroles des ulama, comment ils ont compris les principes en question pour éviter qu'il y ait des ambiguïtés par la suite aussi. On commence maintenant, le cheikh il dit Al-Wala fil-lugha huwa al-qurb wa ja'a fi Mukhtar al-Sihah الولي بسكون اللام القرب والدنو يقال تباعد بعد ولي ونعم donc dans le cheikh il commence en disant que le mot al-wala signifie la proximité, le fait d'être proche, al-qurb en arabe. Donc ça c'est la signification, une des significations linguistiques du mot Wala, al-wala. Donc c'est la proximité. Et il mentionne maintenant des références par rapport au dictionnaire de langue arabe classique. Donc la première citation et la première définition qu'il tire, c'est d'un dictionnaire de langue arabe classique qui est très célèbre, très connu. C'est un petit dictionnaire, mais très très bénéfique, qu'on appelle Mukhtar al-Sihah. Mukhtar al-Sihah. Et donc, dans ce dictionnaire, on dit, première définition, al-waliyu bilam bisukun al-lam. Donc, quand on écrit la lettre waw, lam et ya, et qu'on met un fatha sur le waw et une sukun sur le ya, et un dhamma sur le. Un sukun sur le lam, et un. Oui, c'est ça, un fatha sur le waw. Sukun sur le lam et un dhamma sur le ya. Donc al-waliyu, ça signifie al-qurb wa ad-dunu, c'est-à-dire la proximité, le fait d'être proche, et ad-dunu, c'est le rapprochement, le fait de se rapprocher, d'être proche de quelque chose. Taba'ada ba'da waliyin, c'est ça. On dit, linguistique, dans la langue, on dit quelqu'un s'est éloigné après avoir été proche. Taba'ada ba'da waliyin. Donc waliyun, ça veut dire la proximité. Maintenant al-waliyu, c'est-à-dire quand on met sur le waw une fatha, sur le lam une kasra, sous le lam une kasra, et sur le ya une shadda avec le dhamma. Al-waliyu. Donc al-waliyu, c'est diddul adou, c'est-à-dire le contraire de l'ennemi. Donc al-wali, c'est le contraire de l'ennemi. Donc c'est l'allié. Yuqalu minhu tawallahu kullu man wuliya amra wahidin fa huwa waliyuhu. Donc on peut dire également tawallahu, c'est-à-dire quelqu'un l'a pris, un tel comme un allié. Et toute personne, également parmi la définition, on mentionne que toute personne qui a waliya une chose quelconque, hein, ou une personne, eh bien on dit que c'est son allié. Wal maula, donc de la même racine, on peut tirer le terme maula. Et il dit ici, dans Al-Mukhtar al-Sihah, il dit Al-Mu'tiq wal-Mu'taq. وابن العم والناصر والجار والحليف. Donc المولى, c'est un terme qui peut définir, qui peut vouloir dire ou désigner l'esclave libéré ou le maître qui libère l'esclave. Donc ça peut désigner en même temps l'esclave libéré ou le maître qui a libéré, et également le fils de l'oncle, c'est-à-dire le cousin, ou la personne qui vient à ton aide ou à ta défense, un nasir, ou bien le voisin, ou bien un associé ou un allié, quelqu'un qui a une alliance avec toi. Donc, al-wala'u, on peut aussi désigner par al-wala' al-mu'tiq, c'est-à-dire que lorsque un maître a libéré un esclave, il l'a affranchi, eh bien, cet esclave-là devient un allié de celui qui l'a libéré. Hein? Il va avoir une wala et il va prendre son nom en général, c'est comme ça. Et al-mu'alat, dit de l'mu'adat. Donc al-mu'alat, c'est-à-dire le contraire de la haine ou l'animosité ou l'opposition. Donc c'est-à-dire le fait d'être, d'aimer, c'est le fait d'aimer et le fait d'être associé, d'être allié. Yani le contraire de l'opposition ou de l'animosité ou de la haine. وقال ابن الشكيب ابن السكيت وقال ابن السكيت الولاية بالكسر السلطان. Également on utilise le terme, on tire de la racine de ce mot-là al-wilaya. Et al-wilaya, quand on dit al-wilaya, on parle du dirigeant ou du pouvoir, hein, du pouvoir ou du dirigeant. Et aussi al-walaya. Al-walaya, c'est le fait de venir à l'aide de quelqu'un. Bil-fath. Donc al-wilaya, c'est le pouvoir politique, et al-walaya, c'est le support et l'aide et la défense. Et c'est pour ça que aussi quand on parle de walaya dans le sens d'être quelqu'un qui est rapproché d'Allah, hein, qui est pieux, qui est saint, on va dire, qu'il est, hein, qu'il a al-walaya. Tandis que al-wilaya avec le kasra, c'est le dirigeant. Donc il y a al-wilaya bil-kasra, wal-wilaya ou al-walaya bil-fath wal-kasr, qui veut dire al-nusra. Ça c'est la fin donc de cette parole tirée du dictionnaire qu'on appelle Mukhtar al-Sihah. Intaha kalamuhu rahimahullah. وفي المغرب في ترتيب المعرب c'est dans le volume 2 à la page 200 à la page 372, ça c'est un autre dictionnaire. Il dit الولاية بالفتح النصرة والمحبة وكذا الولاء إلا أنه اختص في الشرع بولاء العتق. Ensuite donc il dit ici dans ce dictionnaire, il dit que al-walaya, c'est-à-dire le fait d'aider quelqu'un par la victoire, hein, pour l'aider dans le fait d'obtenir la victoire, c'est-à-dire la défense, l'amour, c'est al-walaya, c'est dans ce sens-là ici. Al-walaya tu bil-fath, quand on l'utilise avec la fatha, al-walaya, avec une fatha sur le waw, c'est dans le sens de la défense, de ramener quelqu'un à la victoire, de l'aider, de le supporter, et al-mahabba, l'amour. Donc ça c'est al-walaya. De même que al-wala aussi, on l'utilise dans ce sens-là, al-wala, excepté que dans la sharia, on l'utilise spécifiquement, le terme wala, par rapport à l'émancipation des esclaves. Wala al-itq, comme on l'appelle. Et al-muwalat, il dit wal-muwalat al-muhama wa al-muhabba wal-mutaba'a. Intaha kalam. Donc ici il dit al-muwalat, ça veut dire le fait de protéger quelqu'un. Hein, lorsque tu le protèges, lorsque tu l'aimes. Et le fait de suivre également. Hein, le fait de suivre quelqu'un également. Donc c'est dans ce sens-là. Maintenant, il cite également une autre définition dans un autre dictionnaire qu'on appelle Taj al-Arous. Taj al-Arous. Et ça c'est une explication d'un autre dictionnaire. Et il est en plusieurs volumes, ce dictionnaire. C'est un grand dictionnaire arabe classique. Et il dit ici, عن أبي معاذ النحوي يقال تولاه اتبعه ورضي به ومنه قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة. انتهى كلامه. Donc ici il mentionne que dans Taj al-Arus il a été dit par Abu Mu'adh al-Nahwi, c'est un des savants de la grammaire, il a dit tawallahu, c'est-à-dire il l'a suivi. Tawallahu, c'est-à-dire il l'a suivi et il a été satisfait de lui. Et c'est de là que vient la mention du terme dans le verset, dans Surat al-Ma'ida, le verset 51 dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ, c'est-à-dire celui qui le suit et qui a été satisfait de lui. Donc ça c'est la fin de cette citation. Et il cite pour terminer non, c'est pas la dernière définition. Oui, c'est la dernière définition linguistique qui est mentionnée. C'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 11, à la page 160. Et on cite Ibn Taymiyyah parmi les savants de la langue arabe, parce que non seulement c'était un savant de la religion, mais également un savant de la langue arabe. Et une référence dans le domaine de la langue arabe également. Il était très fort dans la langue. Et même que parmi les choses qu'on dit de lui par rapport à sa biographie, c'est que lorsqu'il a lu le livre de Sibawai, eh bien, il a dit « j'ai trouvé des erreurs dedans ». Donc c'est pour dire à quel niveau il était fort, même dans la langue arabe, pour arriver à trouver des erreurs chez le plus grand des savants de l'arabe qui était Sibawai à l'époque. C'est-à-dire qu'il était même avant Ibn Taymiyyah et Sibawai, c'était un des précurseurs dans l'élaboration de la grammaire arabe. Et donc c'est une référence dans le domaine. Donc il a trouvé des erreurs dans son livre. C'est pour dire à quel point Ibn Taymiyyah a été fort dans l'arabe. Et donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam, il dit wal walayatu ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها والأول أصح والولي القريب فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه. انتهى كلامه. Donc il dit que le terme al-walaya c'est le contraire de al-adawa, c'est-à-dire al-walaya c'est le contraire de la haine, l'animosité, c'est-à-dire que c'est l'amour, et l'harmonie, l'alliance. Et il dit que à l'origine al-walaya c'est al-mahabba wal-qurb, c'est-à-dire l'amour et la proximité, le fait d'être proche. Wa aslu al-adawa al-bughd wal-bu'd, c'est-à-dire à la base, à l'origine, le terme adawa, qui est la haine et l'animosité, c'est justement la haine et le fait de s'éloigner, al-bu'd, l'éloignement. Et on a dit également que on appelle le wali wali parce qu'il est proche des obéissances et qu'il suit l'obéissance. Et mutaba'atuhu laha. Et qu'est-ce qui a été dit en premier? C'est plus correct. C'est-à-dire, la première définition, elle est plus correcte. Que ça vient de al-mahabba wal-qurb, la proximité et l'amour. C'est pas donc seulement le fait de suivre l'obéissance, mais c'est l'amour et la proximité. Al-waliyu, donc al-waliyu, c'est celui qui est proche. Al-waliyu, c'est celui qui est proche. C'est pour ça que quand on parle du wali en islam, le wali d'Allah par exemple, c'est celui qui est rapproché d'Allah. On le traduit parfois comme étant celui qui s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent les soufis, ils le traduisent par le terme de la sainteté ou le saint, et ils font justement des amalgames entre la notion de sainteté chez les mouchriquines et chez les koufars, comme chez les catholiques par exemple, et chez les juifs et chez les gens de d'autres religions comme le bouddhisme et l'hindouisme ou autres, et ils mélangent ça avec la notion de walaya en islam. Et c'est de là que vient beaucoup de fausses notions et de mauvaises compréhensions justement par rapport à qu'est-ce que signifie un wali, puisqu'ils ont fait rentrer dans la définition des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et on dit également par la suite, il dit fayuqalu hadha yali hadha ay yaqrubu minhu. Donc si on utilise le terme comme un verbe, hein, hadha yali hadha, eh bien ça veut dire celui-ci est proche de l'autre. OK. Ensuite, il dit, maintenant on a expliqué al-wala, qu'est-ce que ça signifie. Maintenant qu'on a défini ça, on va sur le plan linguistique, on va maintenant définir al-bara. Qu'est-ce que ça signifie al-bara sur le plan linguistique? Donc le cheikh il dit amma al-bara'u fa qala al-baydawi fi taj al-arous, le volume 1 à la page 76. أصل تركيب البرء لخلوص لخلوص الشيء من غيره أو أصل تركيب البرء لخلوص الشيء من غيره انتهى كلامه. Donc à l'origine, يعني lorsqu'on dit البرء, ça implique ou ça signifie le fait d'être débarrasser une chose d'une autre, ou d'enlever une chose d'une autre. C'est ce que ça signifie al-bar. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans Taj al-Arous de qu'est-ce que al-Baydawi a dit à ce sujet-là. Ibn al-Arabi, c'est cité qu'il a dit dans Lisan al-Arab, Ibn al-A'rabi, c'était un savant de la langue arabe. Il dit dans le volume 1, à page 356, dans Lisan al-Arab, un autre dictionnaire très célèbre de langue arabe, Bari'a iza takhallasa, wa bari'a iza tanazzaha wa taba'ada, intaha kalamuhu. Donc, Bari'a, on dit de quelque chose qu'il est bari'a en arabe lorsqu'il a été libéré ou débarrassé de quelque chose. Même on l'utilise aussi par rapport à quelqu'un lorsqu'il est malade. Hein, lorsqu'il est malade, on dit qu'il est guéri par la suite de cette maladie. On dit bari'a. Hein, il a été débarrassé ou libéré de cette maladie-là. Aussi, on dit un bari'a dans le sens d'avoir été purifié de quelque chose et d'avoir été éloigné de quelque chose. Et il dit ensuite fal bara'atu huna at-taba'ud min ash-shay. Donc il dit le cheikh il dit donc ici al bara'a, ça veut dire d'être éloigné de quelque chose, hein, ou de s'éloigner de quelque chose. Qala ash-shaykh al-islam في مجموع الفتاوى dans le volume 10 à la page 465, il dit walbara'atu diddul walaya, walbara'atu diddul walaya wa aslul bara'a al-bughd wa aslul walaya al-hub, intaha kalamuhu. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit dans مجموع الفتاوى que al-bara'a c'est le contraire de al-walaya. Donc c'est le contraire de al-walaya. Et là, à l'origine, al-bara'a signifie la haine, et à l'origine, al-walaya signifie l'amour. Donc c'est le fait de détester al-bourd. Hein? Al-bara'a, al-bara'a, c'est le fait de détester. Et c'est, à l'origine, c'est ça ce que ça signifie. C'est le contraire de al-walaya, c'est-à-dire al-walaya qui veut dire la proximité et l'amour. Donc, al-bara'a, dans ce cas-là, al-bara'a, ça veut dire l'éloignement et la haine. D'accord ? Et l'animosité. Donc, c'est ce que signifient les deux termes sur le plan linguistique. Maintenant, dans la religion maintenant, le terme al-wala ou al-bara, lorsqu'on l'emploie dans les livres de religion et dans les paroles des ulama, qu'est-ce que ça signifie sur le plan islamique, dans le sens religieux? Le cheikh il dit « Amma ta'rifu al-wala ou al-bara fi l'istilah fa yarji'u ila ma'na al-mahabba fi al-muwala allati yansha'u anha al-muwafaqatu wal-nusra وإلى معنى البغض في البراء الذي ينشأ عنه المعاداة. Donc le cheikh il dit que la définition dans la religion de al-wala wal bara, ça revient à la signification de l'amour, à la signification de l'amour dans l'alliance qui est établie sur ou qui naît ou qui évolue dans le fait d'être en accord et de s'entraider. C'est-à-dire qui évolue dans ce sens-là. Donc, ou qui naît à partir de ça. Donc c'est un amour qui naît du fait d'être ensemble et de s'entraider et de se venir, de se supporter les uns les autres. Et et ça c'est pour al-wala et al-bara, c'est la signification de la haine et le fait de se désavouer, hein, le fait de s'écarter, de s'éloigner, et qui a pour conséquence le fait de qui vient dans le sens qui se développe dans l'animosité et la haine. Maintenant, il donne des paroles des ulama. Maintenant, il va donner des paroles des ulama pour expliquer la signification de al-wala wal-bara. Et c'est ce qu'on va lire ensemble maintenant. Le cheikh, il dit donc, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة المحبة, dans son livre قاعدة المحبة, à la page 198, أصل الموالاة هي المحبة كما أن أصل المعاداة البغض فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق والتباغض يوجب التباعد والتباغض يوجب التباعد والاختلاف انتهى كلامه. Donc Cheikh l'Islam il dit dans son livre قاعدة المحبة que l'origine de al-muwala c'est l'amour. Donc l'origine de l'alliance c'est l'amour, comme l'origine de al-mu'ada, le fait de l'animosité et la haine, c'est bien entendu al-bughd, c'est la haine, le fait de se détester. Fa inna at-tahab, le fait de s'aimer, c'est qu'est-ce qui oblige le fait de se rapprocher et d'être en accord. Quand il y a l'amour, ça nous amène à nous rapprocher et à être en accord. Tandis que lorsqu'on a la haine, eh bien, ça oblige qu'on s'éloigne et qu'on s'écarte et qu'on diverge. Donc, c'est de là qu'on comprend le sens de al-wala ou al-bara. Ensuite, une autre citation de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans Taysir al-Karim al-Rahman. عند قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Donc, quand il explique le verset 1 dans Surat al-Mumtahana, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié, vous allez vers lui avec l'amour. Le cheikh il explique فَإِنَّ الْمَوَدَّةِ إِذَا حَصَلَتْ تَبَعَثَا النُّسْرَةِ وَالْمُوَالَةِ فَخَرَجَ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ وَصَارَ مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْكُفْرَانِ وَانْفَصَلَ عَنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ انْتَهَى كَلَامُهُ. Donc il dit que l'amour, le cheikh il dit que الْمَوَدَّةِ, l'amour lorsqu'elle arrive, eh bien, elle est suivie par la défense et le support et l'alliance. Et donc, elle fait sortir le serviteur de la foi, hein, lorsque c'est l'amour et le support dans le coffre. Hein. elle fait sortir le croyant de la foi et elle le fait rentrer dans le rang des gens de la mécréance et il se sépare donc par cela des gens de la foi. Fin de la citation. Il dit ensuite وقال أيضا في تفسير الكريم الرحمن dans son tafsir, Cheikh Saadi il dit également au sujet du verset في قوله تعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Dans le verset 23 dans sourate Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Le cheikh il dit وأصل الولاية المحبة والنصرة وكذلك وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que à l'origine le terme al-walaya signifie l'amour, al-mahabba, et al-nusra, c'est-à-dire le support et l'aide, et l'entraide. Et ça, le cheikh il dit وذلك, et dans le sens que si des gens se prennent les uns les autres comme alliés, ou si des gens prennent d'autres comme alliés, ça implique ou ça oblige que par la suite tu vas devoir donner précédence à leur obéissance sur l'obéissance d'Allah. Tu vas donner précédence à l'obéissance de ces alliés-là sur l'obéissance d'Allah. Et ça va obliger également que tu vas les aimer plus que Allah, plus que ton amour pour Allah et son messager. Parce que si tu les prends pour alliés, ça veut dire que tu les aimes et que tu les défends. Et si ce sont des gens qui préfèrent le kufr à la foi, eh bien ça implique que tu vas préférer l'obéissance de ces mécréants-là à l'obéissance d'Allah. Et que tu vas les aimer d'un amour qui va être au-dessus de l'amour que tu dois et qui est obligatoire pour Allah et son messager. Donc c'est ça que le cheikh explique ici par rapport à ce verset-là. Et ça c'est pour nous donner la définition par rapport à qu'est-ce que signifie al-wala wal-bara dans al-istilah, comme on a dit. Et il dit ensuite, il dit وقال أيضا في تفسير قوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. تفسير العزيز الرحمن. Donc ici c'est dans sourate Al-Mumtahana, le verset 13. Sourate Al-Mumtahana, le verset 13. Donc le verset dit, ce qui signifie, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé. La tatawallaw qawman radib Allahu alayhim. » Ne prenez pas pour alliés un peuple contre lequel Allah subhanahu wa ta'ala est en colère et qui désespère de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Des gens, c'est-à-dire des gens qui sont dans les tombes. Donc ils désespèrent de l'au-delà comme les mécréants désespèrent des gens qui sont dans les tombeaux. Le cheikh explique ce verset. Il dit قد يئسوا من الآخرة أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. Donc le cheikh عبد الرحمن السعدي rahimahullah, il explique le verset en disant que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qad ya'isu min al-akhirah, ils ont désespéré de l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils ont été privés du bien de qu'est-ce qui est dans l'au-delà. Donc ils n'auront de l'au-delà aucune part, aucune portion. Alors prenez garde de les prendre pour alliés et de les aimer, parce que cela vous amènerait à être en accord avec eux dans le mal qu'ils ont et dans leur shirk, dans leur association avec Allah subhanahu wa ta'ala, et à cause de cela vous seriez privés vous aussi du bien de l'au-delà comme eux en ont été privés. Donc ça c'est la fin de la parole de Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di ici. Il dit wa ala hadha, Cheikh dit wa ala hadha fal wala wal bara fi al-istilah al-shar'i mustamad min aslihi al-lughawi wa huwa kama ashara lidhalika al-muhaqqiqun محبة الله ورسوله ونصرة دينه بتحقيق التوحيد وإفراده بالعبودية مع بغض ومعاداة كل ما يعبد من دونه أو من دون الله من الطواغيت والآلهة والأنداد والأهواء. Donc ça c'est une définition plus large, hein, et plus complète de Al-Wala Al-Bara. Qu'est-ce que ça signifie ici? C'est donc le Cheikh dit que donc Al-Wala Al-Bara dans la définition de la Sharia, selon la Sharia, on comprend que cette définition elle est tirée et extraite de son origine linguistique. Elle est extraite et tirée de son origine linguistique. Comme les savants vérificateurs ont indiqué cela. Et ils ont dit, dans leur définition de Al-Wala Wal-Bara, que c'était, et là, si vous voulez écrire la définition ici, parce que c'est une définition qui est très complète, qui englobe la question de façon assez générale, puis par la suite il y a d'autres explications qui vont suivre, mais sinon cette définition là elle semble vraiment bien complète. Cheikh dit donc que al-wala wal-bara c'est le fait d'aimer Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam et de défendre sa religion en réalisant la réalité du tawhid qui est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, par notre adoration, donc d'établir le tawhid, et en ayant également la haine et l'animosité contre tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les différentes idoles, divinités et égaux ou passion qu'on peut prendre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à la base c'est ça, al-wala al-bara, c'est l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et la défense de sa religion en réalisant le tawhid et en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration tout en détestant et en opposant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les Tawarit, les idoles, les fausses divinités, Al-Aliha, Wal-Andad, les égaux que les hommes donnent à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et Al-Ahwa, c'est-à-dire et les passions. Hein. Donc, ça, c'est une définition qui est quand même assez générale de ce que signifie Al-Wala Al-Bara. Le Cheikh, il dit ensuite, قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب il dit dans الدرر السنية le volume 2 à la page 22, أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والثاني الانذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. انتهى كلامه. Donc dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 2 à la page 22, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que le fondement de la religion de l'islam et sa règle, hein, son principe c'est basé sur deux choses. Premièrement, l'ordre d'adorer Allah lui seul, sans associé, et d'inciter à cela, ou d'appeler les gens à cela avec insistance, et de s'allier sur cela, et de déclarer mécréant celui qui l'abandonne, celui qui abandonne cela. Ça, c'est le premier point. L'ordre d'adorer Allah lui seul sans associé, et d'inciter les gens à établir cela, et de s'allier sur cela, et de déclarer mécréant celui qui l'abandonne. Et le deuxième point, deuxième règle au fondement de la religion de l'islam, c'est l'avertissement contre le shirk dans l'adoration d'Allah et le fait d'être très sévère et très strict dans cela, et de s'opposer et de détester sur cela, et de déclarer mécréant celui qui le fait, c'est-à-dire celui qui fait le shirk. Donc à la base, c'est ça, c'est les deux grands principes et les deux grands fondements de l'islam, et comme vous pouvez remarquer, c'est en réalité la signification même de la parole du témoignage de l'islam qui est « Ashhadu an la ilaha illallah ».« Ashhadu an la ilaha illallah », ça implique donc ces deux principes-là, c'est-à-dire la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc le rejet du shirk, et « Illallah » qui est l'affirmation que l'adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est l'établissement du tawhid. Donc, et d'aimer pour ça et de détester pour ça. Donc ça, c'est très important aussi. Ça, c'est un des fondements par rapport au tawhid. Donc on voit tout de suite le lien entre al-wala ou al-bara et le tawhid. Il y a un lien direct entre les deux. Tu ne peux pas séparer le tawhid et al-wala ou al-bara, les deux vont ensemble. Donc, c'est-à-dire, d'une certaine façon, on peut même aller jusqu'à dire que celui qui n'a pas de wala, qui n'a pas de bara, eh bien, il n'a pas de tawhid. Il n'a pas de tawhid. Le cheikh, il dit ensuite, après avoir cette citation-là, le cheikh, il continue après avoir cité ça, il dit « وَيَتَفَرْعُ مِنْ هَذَا الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ الْعُبُودِيَةُ الْكَامِلَةُ وَيَتَفَرْعُ مِنْ هَذَا الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءُ الولاية الكاملة لموافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه ويسخطه ويكرهه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات والعمل بمقتضى والعمل بمقتضى ذلك. وقال العلامة ابن القيم وهو يتحدث عن حقيقة الولاء والبراء: البراء من عبادة غير الله والولاء لله، وأن ذلك هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا. وفي مدارج السالكين يقول أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا فيه، ولا يوالي إلا فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا له، ولا يمنع إلا له، ولا يرجو إلا إياه، ولا يستعين إلا به، فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique, il dit que on peut tirer de ce principe de al-wala wal-bara, l'adoration complète du serviteur lorsqu'il est en accord avec son Seigneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il agrée, et dans ce qu'il déteste, et dans ce qui le met en colère, et dans ce qu'il n'agrée pas, parmi les actions, parmi les paroles, les actions, les croyances, les personnes, et la, le fait d'agir en accord avec cela et de, dans ce qui correspond à cela. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant, hein? De façon plus simple, ça veut dire que donc lorsqu'on a compris al-wala wal-bara comme il faut, hein, on comprend donc que tout ce qui vient comme adoration dans la religion entre dans la signification de al-wala wal-bara également, puisque ça implique ou ça signifie que le serviteur il va agir et faire tout selon ce qui est en accord avec ce que son Seigneur aime et ce qu'il agrée. Donc il va tout faire ce qu'Allah aime et ce qu'il agrée, et il va l'aimer. Il va aimer ce qu'Allah aime. Il va être satisfait de ce qu'Allah agrée. Et il va s'écarter de ce qu'Allah déteste, de ce qui amène sa colère, de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il n'a pas agréé. Et il va le détester également. Hein? Et il ne va pas en être satisfait également. Et ça comprend toutes les différentes dimensions ou caractéristiques ou aspects de qu'est-ce que peuvent faire les hommes et les êtres humains. Dans le sens que ça comprend tes paroles. Donc toute parole doit être en accord avec ce qu'Allah aime. Et tu dois aimer ce qu'Allah aime dans les paroles et détester ce qu'Allah déteste. Tes actions, la même chose. Tes croyances, la même chose. Et la façon dont tu aimes aussi les personnes. C'est-à-dire que tu dois aimer et détester selon ce qu'Allah aime et déteste. Même chez les hommes et les personnes, tu vas aimer le croyant et tu vas détester le mécréant. Tu vas aimer celui qui est sur le tawhid, tu vas détester celui qui est sur le shirk. Hein? Et ainsi de suite. Et d'agir selon ce que ça implique. Et selon tous les principes qui en découlent. Cheikh l'Islam, Al-Allam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, il parle de la réalité de Al-Wala wal-Bara. Cheikh l'Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya, Al-Allam, il parle de la réalité de Al-Wala wal-Bara. Et il dit que Al-Bara, le fait de se désavouer de l'adoration d'autre que Allah et d'aimer pour Allah. Et que ça, c'est le fait de réaliser et de compléter, de concrétiser le témoignage de la ilaha illallah sur le plan de la connaissance, sur le plan du savoir, sur le plan de l'action, dans notre état et dans nos intentions. Donc en fait, al-wala wal-bara, c'est la réalisation et la concrétisation du témoignage de la ilaha illallah. Donc ça, c'était l'explication de qu'est-ce que le Cheikh Ibn Al-Qayyim il dit en fait. Et le Cheikh, il cite une parole de Ibn Al-Qayyim lui-même dans son livre Madarij al-Salikin, le volume 1, la page 167. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh l'imam Ibn Al-Qayyim? Il dit que al-wala wal-bara, ça signifie que tu aimes, que tu ne vas aimer que en Allah, et que tu ne vas détester que en Allah. C'est-à-dire que tu vas aimer uniquement les gens dans ce qui amène l'amour et l'agrément d'Allah. Donc, ce qui amène les choses dans lesquelles les choses qui amènent l'agrément d'Allah, si quelqu'un les fait, tu vas aimer cette personne-là par rapport à ces choses-là, parce que ça amène l'agrément d'Allah. Et si tu vas détester quelqu'un, tu vas les détester uniquement par rapport à qu'est-ce qui amène la colère d'Allah. Le fait que Allah déteste ces choses-là, donc si la personne les fait ou les dit, eh bien tu vas détester cette personne-là par rapport à ça. Donc tu aimes uniquement pour Allah et en ce qui amène l'agrément d'Allah, et tu détestes uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et en, par rapport à qu'est-ce que Allah déteste. Donc tu détestes ce que Allah déteste. Et ce que Allah déteste. Et ici, ensuite il dit, et que tu ne vas pas te rapprocher et aimer, excepté en Allah. Et que tu ne vas pas t'opposer ou te prendre en animosité quelqu'un, excepté en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne vas donner quelque chose à quelqu'un que pour lui, c'est-à-dire que pour Allah, et que tu vas t'abstenir de donner à quelqu'un excepté pour Allah. C'est-à-dire par rapport à aux principes et aux choses que Allah aime. Hein? Et tu vas t'abstenir de donner par rapport à qu'est-ce qui amène la colère d'Allah. Et que tu ne vas espérer que en lui. Tu mets ton espoir que en Allah. Et tu ne vas chercher l'aide que d'Allah. Et que donc ça veut dire que ta religion tout entière, dans ce qui est apparent et dans ce qui est caché, sera uniquement pour Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam seront plus aimés de toi que toute autre chose en dehors de ces deux choses-là. C'est-à-dire tu vas préférer et aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Et tu ne vas pas aimer ceux qui opposent Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, même si cette personne-là était la créature la plus proche de toi dans les liens que tu entretiens avec elle, soit des liens de parenté ou autre. Donc si la personne s'oppose à Allah, même si c'était ton père ou ta mère ou tes frères ou tes soeurs ou autres, ou tes cousins, cousines, oncles, tantes, peu importe qu'est-ce que ça peut être, du moment que la personne s'oppose à Allah et à son messager, eh bien tu ne vas pas les aimer. Tu ne vas pas les aimer pour Allah, tu vas les détester pour Allah. Hein? وذلك bon, le cheikh dit وبذلك يعلم أن الولاء والبراء هما من أعمال القلوب فيراد به المواد القلبية الخالصة للإسلام وأهله ومحبة انتصاره والبغض القلبي للكفر وأهله ومحبة اندحاره ويجب أن يظهر على الجوارح لوازم هذا المعتقد من الجهاد والنصرة والموافقة والأنس والمعاونة والمصافات ونحو ذلك فإن تخلفت بغير عذر دل ذلك على انتفاء الإيمان أو ضعفه. Donc le cheikh il dit, c'est ainsi que on peut savoir maintenant, après avoir compris ça, que al-wala wal-bara sont en réalité ou fait en réalité partie des actions du cœur. Donc à la base, al-wala wal-bara font partie des actions du cœur. Et on veut dire par ça l'amour du cœur, l'amour pur et sincère du cœur pour l'islam et pour les musulmans. Et l'amour de la victoire et de la défense des musulmans et de l'islam. Et la haine du cœur pour le kufr et pour les gens du kufr. Et l'amour de la destruction du kufr. C'est-à-dire que le kufr soit battu et écrasé. ويجب أن يظهر إلى الشيخ التي إيه إلى obligatoire qu'il y ait une manifestation de cette haine et de cet amour sur le corps, hein? Parce que c'est des choses qui doivent être reflétées par qu'est-ce qui est cru dans le cœur. C'est des actions qui doivent sortir sur le corps, des paroles, des choses qui doivent être extériorisées par rapport à qu'est-ce qui est dans le cœur. C'est pas quelque chose qui est uniquement dans le cœur puis qu'on dit ça y est, ça reste dans le cœur, c'est fini. Non, ça doit être manifesté. Cette croyance doit être manifestée par certaines choses, par certaines actions, par certaines yani, manifestation du corps. Et parmi les manifestations du corps qui sont mentionnées, il y a par exemple le jihad, hein, le fait de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shirk et contre le kufr, pour élever le tawhid et élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout qu'est-ce qui est contraire. Et ça, c'est un des principes de l'islam. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes dans l'islam. Et bien entendu, quand on parle de jihad, il faut le répéter à chaque fois, ça fait pas partie, on parle pas de qu'est-ce que certains parmi les égarés, parmi les khawarij, sont en train de propager sur la terre comme désordre lorsqu'ils font des attentats terroristes ou bien lorsqu'ils s'organisent en petits groupuscules armés pour tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux parmi les musulmans et parmi les kuffars, hein, et qui ne reconnaissent pas l'autorité des dirigeants musulmans et qui font des actes de violence et de guerre, de manifestations ou autres. Hein, tout ça, c'est des choses qui ne font pas partie du djihad, puisque le djihad dans l'islam, il est régi par des règles et des principes bien spécifiques et clairs, et par des conditions bien spécifiques et bien claires également. Et donc, il ne faut pas confondre et créer des amalgames et des ambiguïtés entre le djihad de l'islam et qu'est-ce que font les égarés parmi les khawarij, les djihadiyya, les qutbiyyin et les autres takfiriyyin, qui est complètement contraire aux principes et règles de l'islam, et que les ulama de l'islam ont réfuté, et leurs actions, ils les ont condamnées également. Donc, alhamdulillah. Et ça revient à réfuter également ceux qui pensent ou qui disent que parmi les salafis, il y a une catégorie qui s'appelle les salafis djihadistes, qui opposeraient ou qui seraient en contradiction ou en opposition avec les ulama et en opposition avec les salafis qu'ils appellent quiétistes, parce qu'il n'y a pas de salafis djihadistes, ça n'existe pas. Des salafis ne peuvent pas être djihadi parce que c'est une contradiction en soi, puisque les djihadines sont des khawarij. Donc quelqu'un ne peut pas être salafi et khariji en même temps. Hein? Quelqu'un ne peut pas être salafi et khariji en même temps. C'est soit que tu es un ou l'autre. Ok? Parce que tu ne peux pas être sunni et être mubtadi en même temps. Tu ne peux pas être salafi, hein, et mubtadi en même temps. Soit que tu es un ou l'autre. Donc les abrutis qui écrivent des livres et qui parlent de qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas et qui disent des choses contradictoires sans avoir même de la honte ou de la gêne, ils devraient se taire et s'abstenir de parler de ce dont ils ne comprennent pas, ce dont ils ne maîtrisent pas la connaissance, et puis se sauver de l'humiliation qu'ils s'attirent sur eux-mêmes en parlant avec ignorance, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit donc que ça implique parmi les manifestations apparentes, il y a par exemple le djihad, lorsque ça remplit les conditions. Et al-nusra, c'est-à-dire le fait de venir en aide et de défendre et de supporter l'islam et les musulmans. Wal-muafaqa, le fait d'être en accord avec les musulmans, avec les croyants. Wal-unus, hein, d'avoir une certaine forme de sollicitude et de proximité avec les croyants. Wal-mu'awana, le fait de s'entraider avec les croyants, avec les musulmans. Wal-musafa, le fait d'être sincère et d'être, hein, d'avoir un cœur pur les uns envers les autres, un cœur avec des bonnes intentions les uns avec les autres. Et toutes ces différentes choses qu'on vient de mentionner, parmi les choses qui viennent créer des manquements ou bien de créer des défaillances dans ces catégories de manifestations de support et d'entraide entre les musulmans, il y a les bid'ah. Hein, et la hizbiyya, C'est ça qui vient détruire tous ces principes-là qu'on vient de mentionner, des manifestations de Al-Wala wal-Bara. Parce que les jeunes bid'a, c'est eux qui ramènent la discorde et la haine entre les musulmans, et les divisions, et les partisantismes, hein, et toutes les autres manifestations de jahiliya. Ça vient des jeunes bid'a, parce qu'ils opposent les salafs et la voie des salafs. Donc, une des manières de ramener entre les musulmans yani, toutes ces manifestations-là qu'on voit et qu'on mentionne par rapport à Al-Wala wal-Bara, c'est justement d'appeler les musulmans à revenir à la sunna et à la voie des salafs pour que justement l'amour et la proximité et la haine et le support puissent revenir entre les musulmans. Parce que lorsque chaque musulman appelle à un groupe différent et yani, déclare son opposant comme étant égaré sans revenir aux fondements et aux principes des salafs, eh bien c'est là que les choses vont à l'envers. Donc le cheikh il dit ensuite wa nahw dhalika fa in takhallafat bi ghayri uzrin. Donc si ces manifestations apparentes là ne sont pas présentes ou ne se manifestent pas sans excuse valable, cela indique quoi? Cela indique une absence de foi ou sa faiblesse. فإن تخلفت بغير عذر دل ذلك على انتفاء الإيمان أو ضعفه. Donc ça prouve l'absence même de la foi ou sa faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse de la foi. Si on n'a pas vu, donc al-wala wal-bara c'est dans le cœur à la base. Puis par la suite, une fois que tu l'as dans ton cœur, cette wala, cette bara, ça doit se manifester dans tes actions, dans tes paroles, dans tout ce qui sort, dans qu'est-ce qui est apparent de toi, par ton corps, par tes paroles, par tes actions. On a expliqué des manifestations de ça. On a mentionné des exemples. Si on ne voit pas apparaître ces exemples-là dans la réalité, dans le concret, et qu'il n'y a pas d'excuse valable pour justifier le fait qu'on ne voit pas ces manifestations-là apparaître dans nos actions et dans nos paroles, alors ça veut dire que soit qu'on n'a plus de foi du tout, ou que cette foi-là, elle est faible. Hein? Et le cheikh, il dit, « وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمْ فِي شِفَاءَ الْعَلِيلِ وَذَكَرَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ بَرَاءَةُ الْخَلِيلِ وَبَرَاءَةُ الْخَلِيلِ وقومه من المشركين نعم براءة الخليل وقومه من المشركين ومعبودهم ليست تركا محضا بل تركا صادرا عن بغض ومعادات وكرها وهي أمور وجودية وهي عبودية للقلب يترتب عليها خلو الجوارح من العمل كما أن التصديق والإرادة والمحبة للطاعة من عبودية القلب يترتب عليها آثارها في الجوارح وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وهو إثبات تأله القلب لله ومحبته ونفي تألهه لغيره وكراهته ونفي تألهه لغيره وكراهته فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاؤه وبغض ذلك وهذا كله أمور وجودية انتهى كلامه وإليك نصوص العلماء الصريحة فيما ذكرنا. Donc le cheikh il dit ensuite, donc et c'est donc il dit que Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim il explique cela dans son livre Shifa al-Alil, le volume 1 à la page 170. Il mentionne donc l'amour en Allah et la haine en Allah. Et il mentionne que le fait que Ibrahim al-Khalil alayhi salam, Abraham, il s'est désavoué des mouchriquines et de ce qu'ils adoraient. Il fait référence ici probablement au verset 4 dans Surat al-Mumtahana ou bien au verset dans Surat al-Zukhruf, où il mentionne, où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le fait que Ibrahim al-Islam s'est désavoué de ce que son peuple adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le désaveu d'Ibrahim, le désaveu d'Ibrahim pour son peuple parmi les mouchriquins et pour ce qu'ils adoraient, ce n'est pas un abandon indéfini comme ça. Ce n'est pas n'importe quelle forme d'abandon de la part d'Ibrahim, mais c'est un abandon qui est basé sur une haine, une animosité. Donc à la base, quand il s'est désavoué de son peuple et des idoles que son peuple adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il ne fait pas juste les abandonner pour les abandonner. Il les abandonne, et cet abandon et ce désaveu de sa part est établi sur une haine, sur une animosité. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Ce sont des choses qui existent, existentielles. C'est-à-dire le fait que le cœur, c'est-à-dire c'est basé sur une adoration qui est dans le cœur, qui implique que le corps doit se débarrasser et s'éloigner de certaines actions ou de certaines choses. Donc c'est le cœur, une fois qu'il est rempli de la foi et de l'adoration d'Allah et du tawhid, qui pousse le corps par la suite à agir en conséquence et à se désavouer des kuffars et des mushrikins par la langue, et de s'écarter d'eux et de s'éloigner et de faire la hijra d'une certaine façon, donc avec le corps. Donc ça, c'est ce que le cheikh explique ici. C'est qu'en fait, on veut dire que qu'est-ce qui est dans le cœur, ça va avoir un impact aussi sur le corps, et ça va amener la personne qui a compris la réalité du tawhid à mettre ça en application dans ses actions par la suite et dans ses paroles. Et il dit ensuite kama an at-tasdiq, de la même manière que le fait de reconnaître la véracité de ce qui vient d'Allah et de son messager, et une fois qu'on a également la volonté d'établir l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son créateur, et également l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa révélation et de ses ordres et l'application de ses interdictions, ça amène à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça amène également ça amène le cœur à se soumettre et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va avoir des répercussions et des effets sur le corps. Donc cet amour et cette haine vont se manifester dans l'exécution et la réalisation et la concrétisation du témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire d'affirmer l'adoration du cœur pour Allah et son amour, et la négation de l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah, et le fait qu'on le déteste. C'est-à-dire qu'on déteste tout ce qui est en dehors d'Allah parmi les choses que les hommes adorent. Donc, ce n'est pas suffisant uniquement, d'adorer Allah et de l'aimer, et de mettre notre confiance en lui, et de revenir repentant à lui, et de le craindre, et d'espérer en lui, jusqu'à ce qu'on ait abandonné l'adoration de tout autre que lui, et le fait de mettre notre confiance en autre que lui, et de chercher à revenir repentant à autre que lui, et de craindre autre que lui, ou d'espérer autre que lui, et de détester cela, c'est-à-dire de détester le fait d'adorer autre qu'Allah et de détester tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, c'est pas juste le fait d'affirmer et d'obtenir ou de faire certains actes d'adoration, c'est pas ça le qui est c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait également son contraire, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah dans toutes ses manifestations, et de détester ceux qui le font, c'est-à-dire ceux qui font le shirk, et d'aimer ceux qui sont sur le tawhid, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont des choses existentielles, des choses qui existent, hein, présentes. Donc ça, c'est la fin de cette citation. Et donc ça, c'est un point très très important à comprendre par rapport à al-wala wa al-bara, que c'est des choses qui sont dans le cœur et qui se manifestent par la suite. Le cheikh, il mentionne maintenant des paroles des ulama qui sont claires à ce sujet-là, qui mentionne ces principes-là. Comment doivent se manifester al-wala wa al-bara dans nos actions et nos paroles et dans notre corps, dans qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Donc le cheikh dit, « Wa qala cheikh al-islam fi iqtida' al-sirat al-mustaqim » مقررا أن التشبه ظاهرا بالمشركين من آثار الولاء والبراء الموالاة والموادة أو المودة أو الموادة وإن كانت متعلقة بالقلب ولكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم انتهى كلامه. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans le volume 1, à la page 183, dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, en expliquant, il mentionne ici, que, pour confirmer que le fait de ressembler en apparence aux mushrikin va avoir certaines manifestations, certains effets dans notre wala et dans notre bara. Donc, le fait de ressembler au mushrikin, même en apparence, c'est quelque chose qui va avoir des effets dans al-wala ou al-bara. Le fait de al-mu'alat ou al-mu'adda, wa in kanat muta'alliqatun bil-qalb, walakin al-mukhalafata fil-zahir a'wanu ala muqata'at al-kafirin wa mubayanatihim. Intaha kalamuhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que al-mu'ala, le fait de s'allier, d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'aimer ce qu'Allah aime, et ainsi de suite, même si c'est des choses qui sont à la base dans le cœur, le fait de contredire les koufars et les mushrikines, même dans notre apparence, c'est quelque chose qui nous aide encore plus à complètement se séparer et se couper des mécréants et de se séparer d'eux. Oui, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, dans le sens que quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi j'applique al-wala ou al-bara dans mon cœur. Mais en apparence, il leur ressemble et il agit comme eux. Ou il leur ressemble dans son apparence. Hein? On pourrait dire que c'est quelque chose qui est possible puisqu'on le voit. C'est des choses qu'on voit dans la réalité, surtout dans les pays de Kufr, des musulmans. Quand tu les vois dans la rue parfois, tu ne peux pas savoir est-ce que ce sont des musulmans ou des mécréants, puisqu'ils ressemblent en apparence avec les koufars, parfois dans leur façon d'agir, dans leur façon de s'habiller, et ainsi de suite. Donc, quand tu leur mentionnes qu'il est interdit de ressembler aux koufars et aux mushrikines, ils peuvent dire, par exemple, oui, mais moi, je les déteste dans mon cœur et des choses de ce genre. Sauf que, le cheikh, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est ça, c'est que, sauf que si tu te distingues d'eux, même dans ton apparence, c'est quelque chose qui va t'aider encore plus à te séparer d'eux et à te distinguer d'eux et à t'éloigner d'eux. C'est-à-dire des koufars. Intaha kalamu. Donc c'est ça ici que le cheikh explique. On remarque même l'effet de, le fait qu'il y ait une ressemblance parfois dans l'apparence entre les croyants et les mécréants, ça crée une certaine proximité aussi, une certaine affection parfois même, ressemblance. Et le fait de se distinguer, on dirait que parfois ça coupe justement cette proximité-là qui se fait lorsqu'il y a une ressemblance. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite toujours à nous distinguer des kuffars et à ne pas leur ressembler, justement pour que cette affection ou cette proximité là soit coupée depuis le début. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne même parfois, comme dans Iqtira Sirat al-Mustaqim, il mentionne le fait que deux personnes étrangères, disons qu'elles ne se connaissaient pas, mais qu'elles viennent du même pays, et que dans ce pays, les gens ont les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes façons de vivre, les mêmes façons de s'habiller, et qu'ils ont leurs habillements, par exemple, dans un pays étranger où ils sont en voyage, et qu'ils se verraient, par exemple, dans cet endroit-là, ils ne se connaisseraient pas, mais du moment qu'ils ne se connaîtraient pas, mais du moment qu'ils se voient de loin, à cause de leur ressemblance dans leur apparence, eh bien, ils sentent automatiquement se créer une proximité entre eux, comme s'ils avaient quelque chose en commun, malgré qu'ils ne se connaissent pas. Donc, c'est pour dire que le fait de se distinguer des koufars, c'est quelque chose qui coupe la proximité qu'on a avec les koufars et qui nous éloigne d'eux. Donc, si on a ce désaveu dans le cœur et cette haine pour les koufars dans le cœur, eh bien, elle va être encore plus forte si elle se manifeste également par le fait qu'on se distingue d'eux extérieurement. Puis, également, si on suit les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre apparence, dans notre extérieur, par rapport à le port de la barbe, par exemple, ou la femme qui porte le djilbab et qui se voit islamiquement selon les principes de la sharia, et ainsi de suite, eh bien, ça va créer une proximité encore plus forte entre les mu'minines. Hein? Donc, c'est juste pour faire comprendre ce principe du lien qu'il y a entre le cœur et les actions et l'apparence aussi. ويقول رحمه الله الفتوى في مجموع الفتاوى لفوليوم 7 على page 17 في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فأخبر الله أنك لا تجد قوما يواد المحادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. Donc le Cheikh explique ici, il dit dans Majmu' al-Fatawa volume 7 page 17 à propos du verset dans Surat al-Mujadala, le dernier verset, verset 22, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Le Cheikh, il dit que Allah nous informe dans ce verset que tu ne trouveras pas un croyant qui aime les opposants qui s'opposent à Allah et à son messager. Parce que la foi elle-même, elle nie, elle vient en négation de cet amour-là. De la même manière que deux choses qui sont contradictoires se nient l'une l'autre. Donc, si on trouve de la foi dans un cœur, eh bien, ce qui oppose cette foi doit en être absent en même temps. Si on trouve dans un cœur la foi, donc ça veut dire que on ne doit pas y trouver, par exemple, l'amour des ennemis d'Allah, puisque ça, c'est quelque chose qui vient en opposition avec cette foi. Donc, si un homme, il aime les ennemis d'Allah dans son cœur, ça, c'est la preuve qu'il n'a pas de foi dans son cœur. C'est-à-dire, c'est la preuve que dans son cœur, il n'a pas la foi qui est obligatoire d'avoir pour le croyant. N'a pas la foi obligatoire que le croyant doit avoir. C'est comme si, comme les ulama disent parfois, c'est comme le feu et l'eau. Tu ne peux pas les trouver ensemble. Et donc, la foi et l'amour des koufars et des ennemis d'Allah, c'est comme le feu et l'eau. Soit que tu as un ou tu as l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. وقال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن durar as-saniya. Donc Cheikh Abdul Latif Ibn Abd al-Rahman, il dit dans Durar as-saniya volume 2 à la page 325, aslul muwala al-hub wa aslul muada al-bughd wa yansha'u 'anhuma min a'mal al-qulub wal-jawarih ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك. انتهى كلامه. Donc le Cheikh Abdul Rahman ibn Abdul Latif, le Cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 2 à la page 325, il dit que la base de al-muwala c'est l'amour, et la base de al-mu'ada, l'origine de al-mu'ada, c'est la haine. Et de ces deux-là, il y a des actions qui en découlent dans notre cœur, et il y en a également des actions qui découlent de ça sur notre corps, qui apparaissent sur notre corps. Et ça rentre dans la réalité de al-mu'ala et de al-mu'ada, c'est-à-dire le fait d'aimer et de détester pour Allah. Comme par exemple le fait de venir à l'aide et de défendre l'islam et les croyants, le fait de vouloir être ensemble avec les croyants, de vouloir s'entraider, le fait de faire le djihad dans le sentier d'Allah, et le fait de faire la hijra, c'est-à-dire de quitter les pays des kuffars et des mushrikins vers les pays des musulmans, et des choses semblables. Donc ça, c'est la fin de la citation en question, qui nous montre que ça, c'est des manifestations de al-wala ou al-bara qui doivent se manifester dans nos actions. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on prétend dans le cœur et que ça reste comme ça. Le Cheikh dit, wa qala al-Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab fi taysir al-Aziz al-Hamid al-Mujallad al-Awwal safha 489. Il dit dans Taysir al-Aziz al-Hamid, le Cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad, Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit wa wala fillah hadha bayanun lil lazim al mahabba fillah wa huwa al muwalah wa fihi isharatun ila annahu la yakfi fi dhalika mujarrad al hubb بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا. Donc le Cheikh il dit que ici il dit que lorsque on dit wala fillah, donc il a aimé en Allah, c'est l'explication de qu'est-ce qui est obligatoire par rapport à l'amour en Allah, c'est-à-dire al-muwala. Et il y a une indication ici que, dans le sens que ce n'est pas suffisant d'avoir uniquement l'amour, c'est-à-dire l'amour du cœur. Il faut qu'il y ait avec cela une muwala qui est en fait ce qui est directement relié et qui est impliqué par cet amour-là, c'est-à-dire le fait de venir à l'aide et de défendre, d'honorer et de respecter, et le fait d'être avec ceux que tu aimes parmi les croyants, intérieurement et extérieurement. Tu dois aimer la victoire pour eux et le bien, et tu dois les honorer et les respecter. Sinon, si tu n'as pas ça pour les croyants, alors tu as un problème dans ton wala ou al-bara. Et il y en a des gens qui ont, par rapport à ça, juste en passant, il y en a qui ont al-wala ou al-bara par rapport à leur pays d'origine seulement. C'est-à-dire qu'ils vont aimer un musulman juste par rapport au fait qu'il vient de son pays. Et ils vont détester des gens, ou bien ils ne vont pas aimer autant des musulmans qui sont autant croyants ou plus, même parfois, parce qu'ils viennent des pays autres que leur pays. Et ça, c'est quelque chose aussi qui vient en opposition avec al-wala wal-bara. Il y en a par exemple qui vont détester des mubtadi'a par rapport qu'ils sont dans des mubtadi'a d'un pays étranger. Puis quand c'est des mubtadi'a des pays de leur origine, ou de la même ville qu'eux, du même pays qu'eux, ils sont avec eux plus doux et ils les détestent moins, hein, ils montrent moins leur opposition à ces gens de bid'a là qu'avec des mubtadi'a qui sont des pays étrangers ou qui sont plus éloigné. Ça aussi c'est un problème par rapport à Al-Wala wal-Bara, c'est quelque chose qui est en contradiction avec la réalité de Al-Wala wal-Bara dans ce cas-là. Ça c'est juste une petite parenthèse en passant que je voulais ajouter ici. Le Cheikh il dit ensuite wa qawluhu wa 'ada fi Allah. Wa hadha bayan lil-lazim lil-lazim al-bughd fi Allah wa huwa mu'adat al-mu'adat fi. Wa huwa al-mu'adat fi. أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لإعلاء كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهذا علامة الصدق في البغض في الله. Donc le Cheikh il dit ensuite wa 'ada fillah, c'est-à-dire, parce que ça en passant c'est tiré de du charh de Cheikh Sulayman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, comme je l'ai dit, c'est le charh de Taysir al-Aziz al-Hamid, qui est un des charh de Kitab al-Tawhid. Donc là le Cheikh il explique des passages de Kitab al-Tawhid qui parlent de al-wala wal-bara dans Kitab al-Tawhid. Donc il dit wa 'ada fillah, le Cheikh il dit que ça c'est l'explication de ce qui est impliqué par le fait de détester en Allah, c'est-à-dire d'avoir al-mu'ada fihi, c'est-à-dire le fait de détester en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire de manifester cette animosité et cette haine dans nos actions. Donc, c'est pas juste quelque chose qui doit être dans ton cœur, tu dis je déteste les kuffars, c'est tout, mais ça doit être manifesté par tes actions. Comme par exemple al-jihad li'ada'illah, donc le fait de lutter contre les ennemis d'Allah et de se désavouer d'eux. Et comme on a dit tout à l'heure par rapport au jihad, c'est le jihad avec les règles et les conditions de l'islam. Puis aussi il ne faut pas oublier que le jihad c'est pas seulement avec les armes, mais que le jihad il a différentes manifestations et différents degrés également. Et donc parmi les exemples du jihad il y a le jihad que font les ulama lorsqu'ils défendent le tawhid et qu'ils réfutent le shirk, et qu'ils clarifient la religion d'Allah pour les hommes, qu'ils appellent les gens à la foi et qu'ils réfutent les mushrikin. Ça aussi, ça fait partie du jihad. Et beaucoup d'autres manifestations et degrés parmi les différents degrés. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire un des degrés du jihad, par exemple, qu'on doit abandonner complètement tous les différents degrés du jihad. On fait le jihad selon le degré qu'on est capable de faire et selon qu'est-ce qui est permis pour nous par rapport à notre situation et notre état. Donc ça aussi c'est un point important de mentionner à ce sujet-là, et le fait de se désavouer aussi des ennemis d'Allah. Donc ça c'est des exemples de manifestations dans les actions. Et aussi le fait de s'éloigner d'eux intérieurement, c'est-à-dire de s'éloigner d'eux dans notre cœur par rapport à leur kufr et leur shirk et à leurs péchés, leurs égarements, et de s'éloigner d'eux également extérieurement, c'est-à-dire physiquement dans les actions, c'est-à-dire comme par exemple faire la hijra. Et la hijra ça fait partie aussi de al-wala wal-bara. Et ça rentre directement dans cette notion-là, puisque le but de la hijra, c'est de s'éloigner du shirk et des mushrikin, et du kufr et des kafirin, pour aller vers les musulmans, les croyants, et rester proche des croyants et des musulmans. Donc ça aussi c'est une manifestation de Al-Wala ou Al-Bara. Et ça c'est pour indiquer, le Cheikh dit ça c'est pour indiquer qu'il n'est pas suffisant de seulement avoir une haine du cœur, il faut également que cette haine se manifeste, hein, et appliquer. Qu'est-ce qui est impliqué par ces choses-là directement? Et il donne comme exemple de ça le verset 4 dans Surat Al-Mumtahana. C'est-à-dire le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Le verset qui signifie il y a certes un bon exemple pour vous en Abraham et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire ceux qui ont cru avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple qui était parmi les mouchriquins, hein, qui adoraient les idoles, nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc vous voyez ici qu'ils ne, se sont pas désavoués seulement des idoles, ils se sont désavoués des idoles et de ceux qui les adoraient, hein. Donc inna bura'a minkum, minkum, ça veut dire on se désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc ils se désavouaient pas seulement du shirk qu'ils faisaient, mais également des mushrikins. Après il dit wa kafarna bikum, hein, nous vous renions, et entre vous et nous vient de se manifester et vient d'apparaître et de se manifester l'animosité et la haine pour toujours, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Hatta tu'minu billahi wahda. Donc le cheikh il termine cette citation là en disant, et ça c'est le signe de la sincérité dans la haine ou dans le fait de détester en Allah. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est un signe de la sincérité dans la haine en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des points très importants. Donc ça c'est la fin de la parole du cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad dans son sharh de Kitab al-Tawhid Taysir al-Aziz al-Hamid. Allah musta'an, il reste beaucoup. On va essayer de faire qu'est-ce qu'on peut là pour pas terminer sans que le sujet soit clair. Le cheikh il dit: وبهذا يتبين ان مناط التكفير في باب الولاء والبراء هو عمل القلب لا هو على عمل القلب لا على اثاره وثمراته فاذا اجتمع حكم به واذا اختلف فالحكم لعمل القلب دون عمل الجوارح لانه قد يظهر من المسلم نوع ولاء ظاهر للكافرين أو ترك ولاء ظاهر للمسلمين فيكون بذلك عاصيا لا كافرا إذن لم يكن فعله صادرا عن ولاء قلبي كما في قصة حاطب رضي الله عنه وغيرها. Donc ça c'est un point important maintenant qui va venir un petit peu clarifier tout ce qu'on a dit depuis le début pour expliquer justement l'erreur dans laquelle est tombé les gens de takfir parmi les khawarij et les takfiriyin par rapport à al-wala ou al-bara. Donc le cheikh il dit ici, il dit par rapport à tout ce qu'on a expliqué maintenant, on peut comprendre que le point central sur lequel se base le takfir dans la question de al-wala ou al-bara, quand est-ce qu'on peut déclarer quelqu'un mécréant par rapport à le fait de s'allier ou de se désavouer, c'est-à-dire de s'allier aux mécréants par exemple, ou de se désavouer des croyants. Quand est-ce que ça peut devenir une question qui fait sortir de l'islam quelqu'un? C'est par rapport aux actions du cœur. C'est ça le cœur est le centre de cette question-là maintenant. C'est que lorsque on va dire de quelqu'un qu'il est kafir par rapport à la question de al-wala ou al-bara, à la base, c'est par rapport aux actions du cœur. Et non pas par rapport à ses effets et à ses fruits. Ça n'est pas par rapport aux actions et aux choses qui découlent nécessairement directement de de ces actions, et non pas seulement par rapport aux effets et aux fruits de qu'est-ce qui découle de cette action du cœur là nécessairement. Donc le cheikh il dit que si les deux sont ensemble, si les deux sont reliés, là on va juger par rapport à celui-ci. C'est-à-dire que si quelqu'un, on voit en lui un accord entre les actions de Al-Wala ou Al-Bara, qu'est-ce qu'il prétend dans son cœur et qu'est-ce qui est dans la réalité, qu'est-ce qu'il applique, que c'est en harmonie entre les deux, c'est en harmonie, il n'y a pas de contradiction entre les deux, c'est-à-dire c'est un musulman et il s'allie avec les croyants et il déteste les koufars et on voit ça dans ses actions, il n'y a pas de contradiction entre les deux, entre qu'est-ce qui est en lui-même et qu'est-ce qu'il montre, il n'y a pas de contradiction entre les deux, dans ce cas-là on va dire que celui-là c'est un musulman et il est sur le tawhid et il applique al-wala wa al-bara. Mais si il y a une contradiction entre les deux, alors dans ce cas-là, on va juger par rapport aux actions du cœur et non pas par rapport aux actions du corps. C'est-à-dire on ne va pas se baser sur qu'est-ce qui est manifesté par le corps comme contradiction, qu'est-ce qui est prétendu ou qu'est-ce qui est montré du fait que c'est un musulman qui fait des choses qui sont en contradiction par rapport à qu'est-ce qui est souhaité de la part d'un musulman. Par rapport au fait que peut-être qu'il manifeste certaines alliances ou certaines manifestations d'alliances envers les koufars, on ne va pas se baser là-dessus. On va se baser sur le fait que c'est un musulman, puis on va déterminer, on va dire que celui-là c'est un musulman, donc il reste et on le considère comme étant un musulman. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a contredit al-wala ou al-bara dans les actions de son corps qu'on va nécessairement le déclarer mécréant. On se base sur le fait que c'est un musulman du fait qu'il a al-wala al-bara dans la base, c'est-à-dire dans le cœur. Et il dit ensuite لأنه يظهر من المسلم نوع ولاء, c'est-à-dire que on peut voir parfois chez certains de la part d'un musulman, c'est possible qu'on voit des manifestations de wala apparente pour les kuffars ou d'un abandon de wala pour les musulmans en apparence dans qu'est-ce qui est manifesté, et que par cela ils deviennent un pécheur, non pas un mécréant. Et c'est possible également que cette action là qu'il fait, qui est une manifestation de wala pour les kuffars ou d'abandon de wala pour les musulmans, c'est possible que ce soit fait sans que ce soit une allégeance ou une wala du cœur, comme le cas de l'histoire de Hatib à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'un musulman fait une action qui pourrait être interprétée comme étant une wala du cœur, non seulement une wala dans les actions, donc c'est possible que ce soit une wala du cœur et c'est possible que ce soit une wala seulement des actions. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se baser uniquement sur les actions pour déclarer un musulman kafir par rapport à al-wala ou al-bara. Il faut aller plus en détail dans des situations comme ça. Comme l'exemple de Hatib رضي الله عنهما. الشيخ اللي بيكسبليكي. قال ابن العربي في أحكام القرآن قوله تعالى تلقون إليهم بالمودة يعني في الظاهر، لأن قلب حاطب كان سليما بالتوحيد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما صاحبكم فقد صدق، وهذا نص سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده، انتهى كلامه. Ici le cheikh Ibn al-Arabi, il dit dans Ahkam al-Qur'an, le volume 4 à la page 1783, Il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Al-Mumtahana, le verset 1, Tulquna ilayhim bil mawadda. Dans Al-Mumtahana, le verset 1. Vous leur offrez l'amitié, vous leur offrez l'amour. Le cheikh il dit, c'est-à-dire en apparence, parce que le cœur de Hatib était en paix, était propre, il était sur le tawhid. Et la preuve de ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit aux sahaba, votre compagnon, en ce qui concerne votre compagnon, il a dit vrai. Et si, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Hatib, c'est en fait l'histoire d'un, par rapport à un sahabi qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de yani, donc ce sahabi il est connu, il faisait même partie des gens qui ont participé à la bataille de Badr. Donc c'est un sahabi parmi les anciens, parmi les sahaba. Et il ne faisait pas partie de la tribu de Quraysh, même s'il vivait, sa famille vivait à Mecca, mais il ne faisait pas partie de la tribu. Donc il n'avait pas de protection à Mecca. Alors lorsque est venu le moment de yani, la conquête de la Mecque, et que yani, lorsqu'il est venu le moment de la conquête de la Mecque, et que yani, les musulmans, le prophète sallam a décidé de partir pour marcher sur Mecca pour prendre la Mecque, yani, Hatib il a eu peur pour sa famille et pour ses biens, les biens de sa famille. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a, étant donné qu'il n'a pas d'alliance, il n'a pas de parenté à Mecca, il a voulu chercher un moyen pour essayer de protéger ses biens des mouchriquins. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un message aux mouchriquins de Mecca pour leur demander, ou pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait arriver, qu'il allait venir, pour les avertir. Mais le but pour lequel il a fait ça, c'était pas parce qu'il aime les mouchriquins et il aime le shirk et il veut la victoire des mouchriquins sur les musulmans et qu'il déteste le tawhid. Non, la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que, étant donné que sa famille est à Mecca, ils n'ont personne pour le défendre et que lui il fait partie des musulmans, les mouchriquins allaient se venger sur sa famille. Et donc pour que les mouchriquins ne fassent pas de tort à sa famille, c'est comme s'il leur offrait cette information-là en échange de la protection pour sa famille. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui a révélé que yani Hatib avait transmis cette information-là et qu'il l'avait donnée à une femme, il avait donné une lettre à une femme dans une caravane qui était en direction pour la Mecque. Yani, Jibril l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ça, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali radiallahu anhu avec un autre sahabi avec lui pour aller récupérer cette lettre. Donc Ali radiallahu anhu est parti avec un autre sahabi pour aller intercepter cette lettre, et ils ont retrouvé la femme en question qui avait cette lettre avec elle. Et yani, ils ont dit à la femme, donc donne-nous la lettre. Et la femme a nié, elle a refusé de donner la lettre. Alors Ali radiallahu anhu lui a dit, si tu ne me donnes pas cette lettre, on va te dénuder complètement jusqu'à ce qu'on la trouve. Et yani, elle a sorti donc la lettre qui était accrochée quelque part dans ses cheveux ou quoi, quelque chose comme ça. Et donc elle a remis la lettre à Ali radiallahu anhu. Et donc Ali a ramené cette lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé donc à ce moment-là qu'on ramène Hatib. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a vu Hatib, il lui a demandé, pourquoi tu as fait ça? Je lui ai dit, pourquoi tu as envoyé cette lettre au mushrikin? Et Hatib il a dit, ô messager d'Allah, je n'ai pas fait ça parce que je voulais laisser l'islam ou parce que j'aimais le kufr, mais j'ai fait ça parce que tous tes compagnons, en général, qui sont à Mecca, ils ont de la famille là-bas. Ils ont des protections pour leur famille. Tandis que moi, j'avais personne. Alors, j'ai voulu avoir une protection pour ma famille en envoyant cette lettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, en ce qui concerne votre compagnon, il a dit vrai, laissez-le. Hein? Il a cru. C'est pour dire que il a fait quelque chose qui, en apparence, pouvait être interprété comme s'il a voulu donner la victoire aux kuffars et aux mushrikin. Hein? Comme s'il a voulu aider. Ça, c'est une forme de wala pour les kuffars et les mushrikin. Hein? Sauf que c'était pas basé sur une intention de vouloir le kuffar et de vouloir aider les kuffars. Et il y avait une interprétation, une explication plausible et acceptable dans son cas par rapport aux affaires de la dunya. C'était pas par rapport à la religion. Et donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas déclaré comme étant kafir. Hein? Donc, le fait d'aider un kafir dans quelque chose qui a rapport avec la dunya, ou de demander de chercher son aide contre les musulmans par rapport à une affaire de la dunya, ou contre d'autres kuffars et contre d'autres mushrikines, par rapport à la dunya, ça c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Tant que c'est pas quelqu'un qui prend les kuffars pour alliés à cause de leur kufr ou à cause de leur shirk, parce qu'il aime le kufr, parce qu'il aime le shirk, et il est d'accord avec eux sur le kufr et le shirk, et il veut voir les kuffars avoir la victoire sur les mu'minines, il déteste les mu'minines, ça c'est une wala du cœur qui fait sortir de l'islam. Mais si c'est quelque chose qui est basé sur des choses de la dunya, hein, des intérêts de la dunya, à la limite, on dit ça c'est des choses haram. Mais on ne va pas ramener ça au kufr et à dire que la personne est sortie de l'islam à cause de ça. Donc ça c'est très important de comprendre. Après le cheikh il dit وَقَالَ إِبْنُ عَطِيَّةِ. Donc c'est ça, avant de partir à une autre citation, il dit ça c'est un texte qui prouve que le cœur de Hatib était pur et qu'il avait une aqida qui était saine et propre. Donc ça c'est la fin de la dernière citation de Ibn al-Arabi dans son tafsir. Ensuite il dit wa Ibn Atiyah dans al-Muharrar al-Wajiz, il dit wa 'inda qawlihi ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Le verset 51. Ça c'est le verset qui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hein? Donc le verset dit ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ils sont alliés les uns des autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs, alors il est un des leurs. Le cheikh explique ce verset parce que souvent on entend ce verset là cité, et parfois certains vont même déclarer des gens kuffars, ou même des pays, même parfois, ils vont déclarer des pays et des dirigeants et même des savants kuffars en se basant sur ce verset-là sans vraiment comprendre la réalité de ce que ce verset signifie. Donc le cheikh, il cite Ibn al-Atiyah dans Al-Muharrar al-Wajiz, le volume 5 à la page 127, qui explique ce verset. Il dit وَمَنْ تَوَلَّهُمْ بِمُعْتَقَدِهِ وَدِينِهِ فَهُوَ مِنْهُمْ فِي الْكُفْرِ واستحقاق النقمة والخلود في النار ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة والواقعة عليهم وعليه. انتهى كلامه. Donc le cheikh explique que dans ce verset là il y a deux possibilités dans la compréhension de ce verset quand on dit celui qui les prend pour alliés parmi vous et alors il est un des leurs. Il y a deux façons de le comprendre. soit qu'il les prend pour alliés dans leur croyance et dans leur religion. Hein? Alors, dans ce cas-là, il est avec eux. Il est un des leurs dans le coffre et dans le mérite du châtiment et de rester éternellement en enfer. Pourquoi? Parce qu'il les a pris pour alliés dans leur croyance, dans leur fausse croyance, dans leur coffre, dans leur shirk, dans leur religion. Alors, dans ce cas-là, il est avec eux. En fait, dans ce sens-là, ça veut dire celui qui les prend pour alliés dans la mécréance et dans le shirk, alors il est un des leurs dans le kufr et dans le shirk et il mérite le même sort qu'eux, dans l'enfer pour l'éternité. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ بِأَفْعَالِهِ Et celui qui les prend pour alliés par ses actions, comme par exemple il vient à leur aide sans avoir la même croyance qu'eux, et sans être d'accord avec eux sur leur croyance, et sans rejeter ou sans avoir une défaillance quelconque par rapport à sa foi, c'est-à-dire qu'il n'a pas nui ou annulé sa foi de façon quelconque par rapport à à ces actions-là, par rapport au fait qu'il les aide par rapport à ces actions, mais sans qu'il ait la même croyance qu'eux et sans qu'il soit d'accord avec leur kouf et leur shirk. Alors, dans ce cas-là, il est avec eux dans le blâme, dans la haine qui tombe sur eux, mais pas dans la conclusion, pas dans le châtiment par rapport à la fin, c'est-à-dire dans l'enfer pour l'éternité. Il ne sera pas dans l'enfer pour l'éternité et il ne sera pas parmi les koufars. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec eux sur leur kouf et leur shirk, il est d'accord avec eux seulement dans le fait qu'il agit avec eux d'une certaine façon. Et si on ne comprenait pas ce verset-là de cette façon-là, ça voudrait dire que n'importe quel musulman qui vivrait dans un pays de kufr, eh bien, il serait automatiquement kafir, qu'il le veuille ou non. Du moment qu'il vit chez les kuffars, il serait automatiquement kafir si on comprenait le verset selon la compréhension des khawarij. Parce que eux, vous voyez, les khawarij, ils prétendent toujours que les dirigeants ou les gouvernements des pays musulmans prennent les kuffars pour alliés parmi les juifs et les chrétiens, puis ils citent ce verset-là. Eh bien, en réalité, le fait même de notre présence par rapport, le fait qu'on soit présent chez les kuffars et les mouchriquins, d'une façon ou d'une autre, on augmente leur nombre, on paie des taxes, on collabore sur plusieurs plans à beaucoup de choses de qu'est-ce qui a rapport avec leur système, leurs lois, et beaucoup d'autres choses qui ont rapport avec ce qu'ils font dans les choses qui sont en contradiction avec l'islam. Eh bien, est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec le kufr et le shirk dans notre cœur? Si c'est le cas, si quelqu'un est d'accord avec eux dans leur kufr et le shirk et dans leur loi et dans tout ce qui est contraire à l'islam, dans ce cas-là, il est kafir comme eux. Il est un des leurs. Toutefois, s'il est là, mais que dans son cœur, il est contre ça, il est contre le kufr et contre le shirk, et il déteste le kufr et le shirk, il appelle à l'islam et au tawhid, il clarifie la religion d'Allah pour les gens, dans ce cas-là, il est avec eux physiquement, mais il n'est pas mécréant. Il ne les a pas pris pour alliés dans son cœur, dans la croyance. Donc il n'est pas kafir. Et les ulama, donc, ils font la différence entre le fait de les prendre pour alliés par rapport à ta croyance et à agir avec eux par rapport à leur kouf et leur shirk, que tu es d'accord avec eux sur ça, ou bien le fait d'avoir dans tes actions des manifestations de voilà, sans toutefois avoir l'accord dans le cœur et dans l'application et la manifestation par rapport à ces choses-là. Donc tout ça, c'est des choses qui ont un lien. Ensuite, le cheikh, il mentionne une autre parole d'un autre parmi les ulama, le cheikh At-Tahir ibn Ashur, dans son livre At-Tahrir wa At-Tanwir, volume 4, à la page 230, à propos du même verset. Verset 51 dans Surat Al-Ma'ida. Il dit Min, ou plutôt ici, Man, et là, il parle du terme ici qui est Man, Waman, Man Shartiya, taqtadi anna kull man yatawallahum, ou bien il parle peut-être du min aussi qui est dans minkum. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ شَرْطِيَّةٌ تَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَصِيرُ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَجَعَلَ وَلَايَتَهُمْ مُوجِبَةَ كَوْنِ الْمُتَوَلِّي مِنْهُمْ وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ وِلَايَتَهُمْ دُخُولٌ فِي مِلَّتِهِمْ لِأَنَّ مَعْنَى الْبَعْضِيَّةِ هُنَا لَا يَسْتَقِيمُ إلا بالكون في دينهم. ولما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينافق كان مسلما لا محالة. كانت الآية بحاجة إلى التأويل وقد تأولها المفسرون بأحد تأويلين. Donc le cheikh il commence en disant que ici à propos du verset 51 dans sourate Al-Ma'ida, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, le min ici c'est un min de condition qui implique que toute personne qui les prend pour alliés devient un des leurs. Et il a fait que lorsque que le fait que quelqu'un les prenne pour alliés, que ça c'est quelque chose qui implique ou qui oblige que la personne qui les prend pour alliés soit un des leurs. Et ça, dans son sens apparent, ça implique que en les prenant pour alliés ou en ayant quelque chose, en faisant quelque chose qui est une manifestation de voilà pour les kuffars, ça implique en apparence, dans qu'est-ce qui est dit dans le verset, que quelqu'un rentre dans leur religion, c'est-à-dire dans la religion des juifs et des chrétiens, en les prenant pour alliés de cette façon-là. Parce que on ne peut pas comprendre le verset correctement sans que ce soit de cette implication-là dans son sens apparent. Mais le cheikh, il dit, mais étant donné que le croyant, lorsqu'il croit en la foi, et qu'il suit le messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'est pas hypocrite, on doit le considérer comme étant un musulman. Donc il faut absolument, dans ce cas-là, qu'il y ait une interprétation au verset qu'on mentionne, le verset 51. Donc il faut qu'il y ait une interprétation à ce verset-là qui est différente de qu'est-ce qui est compris de cette façon-là. C'est-à-dire que les savants de l'islam, ils ont interprété ce verset-là de deux façons. Pour clarifier le sens de qu'est-ce qui est dit dans ce verset. La première explication, le cheikh dit imma bihamli al-walaya fi qawlihi wa man yatawallahum ala al-walayati al-kamilati allati hiya ar-ridha bi dinihim wa at-ta'n fi din al-islam. Donc la première explication, c'est que quand Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ, on parle de الْوَلَايَةِ qui implique une walaya complète, totale, dans le sens que la personne elle aime les kuffars totalement et complètement, et ça veut dire que la personne elle est satisfaite de leur religion et qu'elle est contre l'islam, elle insulte l'islam. Donc cette personne-là qui est satisfaite du kufr, du shirk, qui est contre le tawhid et l'islam, alors cette personne-là, si elle les prend pour alliés de cette façon-là, complètement, totalement, alors elle est un des leurs. Elle est dans leur religion dans ce cas-là. C'est-à-dire elle n'est pas musulmane, elle est kafira, elle sort de l'islam. Parce qu'elle a une wala qui est une wala du cœur. Et cette wala est basée sur le fait d'aimer et de défendre le kufr et le shirk, et d'être contre le tawhid et l'islam. Donc ça c'est la première façon dont on peut comprendre le verset. Ou bien sinon, le cheikh dit « وَإِمَّا بِتَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ عَلَى التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ أي فَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ وَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ مَا دُونَ الرِّضَى بِالْكُفْرِ وَمُمَالَاتِهِمْ عَلَيْهِ من الولاية لا يوجب الخروج من الرقبة الإسلامية. ولكنه ضلال عظيم وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالاة. انتهى كلامه. Donc il dit la deuxième façon dont on a interprété ce verset là, c'est فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, c'est que c'est qu'il est un des leurs dans le sens qu'il leur ressemble, c'est-à-dire qu'il leur ressemble, non pas qu'il est un des leurs yani dans le mérite du châtiment qu'ils méritent eux, hein, le châtiment des kuffars et des mouchriquins qui est l'enfer éternel, non, dans le sens qu'il est un des leurs dans le sens qu'il leur ressemble, hein, il a des ressemblances avec eux. Et le cheikh il dit ensuite que les savants de la sunna, les ulama de la sunna, ils sont tous d'accord pour dire que si la personne qui a manifesté certaines formes de wala pour les kuffars, cette wala elle est autre que le fait d'être satisfait de leur kuffre ou de pencher vers eux par rapport à leur kuffre, donc si c'est pas par rapport à leur qu'il les aime ou qu'il est proche d'eux par rapport à leur kuffre et leur shirk, hein, et d'être satisfait de ça, alors ça ne nécessite pas ou ça n'implique pas que la personne est sortie, hein, de l'islam. Sauf que c'est un grand égarement. Et le cheikh dit qu'il y a des degrés d'intensité ou de force par rapport à ça, selon la force d'amour que la personne peut avoir pour les kuffar et les mouchriquins, même si c'est pour autre que leur kuffre et leur shirk. Donc il y a des degrés de différence, plus c'est, ça peut être manifesté par des forces, des degrés de force différents. Ensuite, le Cheikh il dit, وَقَالَ الشَّيْخ مَحْمُودَ الْأَلُوسِي قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ كَالْمُسْتَنْتِجْ مِمَّا قَبْلَهُ أو كالمستنتج مما قبله وهو خرج مخرج التشديد والمبالغة في الزجر لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة لكان كافرا وليس بمقصود وقيل المراد ومن يتولهم منكم فإنه كافر مثلهم حقيقة وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهودا أو نصارى وقيل لا بل الآية نزلت في المنافقين والمراد أنهم بالموالاة يكونون كفارا مجاهرين مجاهرين. انتهى كلامه. الشيخ محمود الألوسي يزيد عن صوت تفسير روح المعاني لفوليوم 6 على page 157. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 51 « Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs », c'est-à-dire, hein, un d'entre eux, hein, un d'entre eux qui rentre dans leur groupe, et il aura le même verdict qu'eux. Hein. Et ça c'est pour expliquer donc la sévérité et la sévérité et à quel point c'est grave. C'est pour les blâmer, hein, et les réprimandé d'agir de cette façon-là. Il dit en voulant dire que si la personne qui les prend pour alliés ici dans ce verset, c'était qu'il les prend pour alliés réellement, ça veut dire qu'il serait kafir. S'il les prend pour alliés complètement, réellement, parce que là, ça voudrait dire qu'il est kafir. Mais c'est pas ça ce qui est voulu ici dans le verset. Certains ont dit que qu'est-ce qu'on veut dire par le verset ici, c'est-à-dire celui qui les prend pour alliés parmi vous, c'est-à-dire qu'il est kafir comme eux réellement. Et ça a été mentionné par Ibn Abbas radiallahu anhu. Et ça, c'est probablement dans le sens que lorsqu'il les prend pour alliés du fait que ce sont des juifs ou des chrétiens, c'est-à-dire il s'allie à eux parce que c'est des juifs et parce que c'est des chrétiens, dans ce cas-là il est kafir, hein? Mais s'il les prend pas pour alliés pour leur kufr et leur shirk, mais pour des choses de la dunya, dans ce cas-là il n'est pas kafir, hein? Ça, c'est un point qu'on a expliqué déjà et qu'on clarifie encore ici. Et il dit ensuite, Waqila, non, il dit, d'autres ont dit, parmi les savants du tafsir, non, ce verset-là, il a été révélé à propos des munafiqin. Les munafiqin, c'est ceux qui ne croient pas en l'islam dans leur cœur, mais qui montrent qu'ils sont musulmans. Donc ça, c'est une autre explication. Et il dit, wal murad annahum bil muwalat yakununa kuffaran mujahirin. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le chef dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que par leur alliance, ou par leur muwalat, par leur amour, ils deviennent kuffar muhajirin. Donc, c'est pour dire qu'il y a des différences d'interprétation par rapport au sens et au contexte, par rapport à nos différentes situations. Si la personne qui prend les koufars pour alliés, les prend par rapport à leur kouf et leur shirk, donc il est kafir et mouchirik comme eux, et il aura le même sort que dans l'au-delà. S'il les prend pour alliés pour des choses autres que le kouf et le shirk, pour des affaires de la dunya, dans ce cas-là, il est comme eux dans le sens qu'il les ressemble, il leur ressemble, mais ça ne veut pas dire qu'il sort complètement de l'islam. C'est comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من تشبه بقوم فهو منهم. Ils disent, quiconque imite un peuple est un des leurs. Hein, il en fait partie. Est-ce que ça veut dire que quiconque parmi les musulmans va imiter un kafir en quoi que ce soit, il deviendra automatiquement mécréant, il sort de l'islam? Non, bien entendu, puisque il y a des choses parmi les choses dans lesquelles tu vas imiter les kuffars qui ne sont pas nécessairement coffres et qui ne vont pas sortir de l'islam. Donc si tu les imites dans ces choses-là, si c'est des péchés, donc ça veut dire que tant que tu ne le rends pas halal, ça veut dire que allez, tu ne vas pas sortir de l'islam pour ces choses-là. Donc ça, c'est des exemples. وقال الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري في الدرر السنية المجلد التاسع الصفحة 158 يقول فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم والمشايخ رحمهم الله إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم وهذا هو الذي أوجب كفره أما مجرد الاجتماع معهم في المنزل فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية انتهى كلامه. Donc le cheikh explique ici, c'est les paroles du cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 9 à la page 158. On l'a déjà cité ça déjà dans les cours précédents. Il dit le cheikh que qu'est-ce que on veut dire par al-wala wal-bara, qui fait sortir de l'islam, c'est le fait de prendre les koufars pour allier par rapport à leur kufr, hein, et de leur montrer de l'amour et de les aider contre les musulmans et d'embellir leurs actions, de considérer leurs actions comme étant bonnes et d'exprimer de l'obéissance et de la soumission pour eux, yani de leur obéir et de se soumettre à eux sur leur kufr. C'est ça qui fait sortir de l'islam. Il dit, donc les shuyukh, les ulama, qu'Allah leur fasse miséricorde, lorsqu'ils mentionnent le fait de prendre les mushrikines pour alliés, ils l'ont interprété comme étant, hein, celle qui fait sortir de l'islam, ils l'ont interprété comme étant le fait de, donc, d'être d'accord avec eux, de les défendre, de leur venir en aide, d'être satisfait de leurs actions. Ça, c'est ce qui oblige la mécréance de la personne qui agit ainsi. Mais juste de se réunir avec eux dans une maison ou dans un endroit sans leur montrer ici فَإِنَّ ذَلِكَ, donc ça c'est un péché. Si tu ne montres pas ta religion, c'est un péché dans ce cas-là, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. On a presque fini. Le cheikh dit وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في القاعدة الثانية عشر عشرة في الجمع بين آيات النهي عن موالاة الكافرين وآيات الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان فذكر قوله تعالى. Ça ici c'est un verset qui va clarifier beaucoup de choses pour beaucoup de personnes qui sont peut-être en train d'écouter le cours aujourd'hui et qui se demandent des questions par rapport à tout ce qu'on a expliqué depuis le début, parce que c'est souvent une question d'ambiguïté que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre. C'est lorsque le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il explique justement dans son livre Qawa'id al-Hisan, page 24, la règle 12. Comment on réunit les versets qui nous interdisent de, qui nous ont interdit de prendre pour allier les koufars et les versets qui nous ordonnent de faire preuve de bonté envers celui qui a un droit sur nous parmi les hommes, hein, puis qui sont parfois des mouchriquines et des koufars. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, Allah ne vous interdit pas de montrer de la bonté et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah, certes, aime les justes. C'est le verset 8 et 9 dans Surat al-Mumtahana. Donc, le Cheikh il dit, « فَقَالَ النَّهْيُ وَاقِعٌ عَلَى التَّوَلِّي وَالْمَحَبَّ لِأَجْلِ الدِّينِ والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإسلام. انتهى كلامه. Donc le Cheikh al-Sa'di, il explique ce verset-là, verset 8 et 9 dans Surat al-Mumtahana, et il explique la clarification par rapport à l'ordre d'Allah de ne pas prendre les koufars pour alliés et les versets qui nous ordonnent d'être bons et d'avoir de la bonté et d'être juste envers les koufars et les mouchriquins. Comment on réunit ces deux choses-là? Le Cheikh explique que l'interdiction de prendre les koufars pour alliés, il dit que ça c'est par rapport à les prendre pour alliés et de les aimer pour la religion. Donc ça c'est qu'est-ce qui est interdit. Toutefois, l'ordre d'être bon, d'avoir de la bonté envers les koufars, les mouchriquins, qui ne sont pas en guerre contre nous, ça c'est dans le sens qu'ils ont un lien de parenté avec nous, ou bien par rapport du fait qu'ils font partie des êtres humains, d'une façon qui ne vient pas en contradiction avec la religion. Hein? Donc ça c'est comment on comprend. Parce que déjà aussi il y a un point ici qui est important de comprendre, c'est que les ulama d'Ahl-Sunnah, les ulama de l'islam, ils ont divisé les koufars en différentes catégories, et c'est ça qu'on va expliquer ici dans la dernière citation, qui est la parole de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Cheikh il dit, qala samahatu Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah fi majmu' maqalat majmu' fatawa wa maqalat al-juz' al-khamis as-safha 246, le volume 5 à la page 246 dans majmu' fatawa ومقالات الشيخ بن باز بعد أن بين معنى الولاء والبراء وهو محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم قال وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم وتتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة ولكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله للآية الكريمة السابقة انتهى كلامه رحمه الله. Donc le Cheikh il clarifie encore un autre point qui est très important pour les gens, pour éviter de tomber justement dans des fausse compréhension et dans l'extrémisme par rapport à cette question-là. Le Cheikh, il dit donc dans Majmou' al-Fatawa, Ramaqalat, après avoir expliqué la réalité de la signification de Al-Wala al-Bara, que c'est l'amour des croyants, et le fait de se rapprocher d'eux et de les prendre pour alliés, et de détester les mécréants, et d'avoir de l'animosité envers eux, et de se désavouer d'eux et de leur religion. Et il dit, cela ne signifie, quand on dit de les détester, il dit cela ne signifie pas, quand on dit de les détester, d'avoir de l'animosité pour eux, ça ne veut pas dire de leur faire de l'injustice ou de transgresser contre eux, lorsque ce ne sont pas des koufars qui sont des muharibines. Parce que, comme je disais, les koufars sont, les ulama ont divisé les koufars en catégories, différentes catégories. Il y a les koufars qui sont des muharibines, donc ceux qui sont en guerre. Ça, c'est quand? C'est lorsqu'il y a un état musulman, un dirigeant d'un état musulman, qui a déclaré la guerre contre un état des non-musulmans. Et que cette déclaration de guerre-là, elle est officielle entre ces deux pays. Donc les musulmans qui sont dans ce pays et les koufars qui sont dans ce pays-là sont en guerre. Donc bien entendu, quand on parle de guerre, ça veut dire qu'il va y avoir, bien entendu, des combats et des luttes entre les deux. Et ça concerne, bien entendu, les combattants de ces deux peuples, de ces deux pays-là, parmi les pays musulmans et les combattants des pays non musulmans. Bien entendu, parce que dans l'islam, on n'a pas le droit de tuer la femme, de tuer l'enfant, de tuer les vieillards, des choses comme ça, lorsqu'ils ne font pas partie des combattants. Donc, du moment qu'ils ne portent pas les armes et qu'ils ne sont pas des combattants, et qu'il y a cette guerre officielle déclarée entre les deux, dans ce cas-là, il y a dans ce cas-là, c'est la situation de guerre entre ces deux-là. Donc il y aura des combats et des luttes et des agressions. Toutefois, il y a d'autres catégories de kuffar, par exemple, ce qu'on appelle, comme le Cheikh il mentionne, Ahlu al-Aman, Ahlu Ahdin, les gens qui ont une Ahd. L'Ahd, c'est quoi? Ils ont un pacte, une trêve, une entente. Aussi, on dit Aman, c'est-à-dire lorsqu'un kafir est un messager ou un ambassadeur ou quelqu'un qui vient dans un pays musulman pour faire du commerce, un kafir qui vient dans un pays musulman pour faire du commerce ou pour se faire traiter ou comme touriste ou autre, il rentre avec sécurité, avec un visa dans un pays musulman. Dans ce cas-là, il est sous la protection des musulmans, et on n'a pas le droit de lui faire un tort quelconque, ni dans ses biens, ni dans sa personne. Hein? Et revient à l'entente qu'on a avec le dirigeant. Et de trahir cette entente-là, c'est une trahison contre l'islam et contre les musulmans. Hein? Donc on n'a pas le droit de faire du tort à ce mécréant-là qui a une amane, ou bien un kafir qui a un ahd, c'est-à-dire c'est un kafir qui vit dans un pays des non-musulmans et qui a une entente, c'est-à-dire que ce pays-là, le dirigeant de ce pays, il a une entente avec le dirigeant de pays musulmans, qu'il y a entre les deux une entente entre les deux gouvernements, qu'il y a des ententes diplomatique et économique entre les deux. Donc dans ce cas-là, il faut respecter ces ententes-là. La même chose lorsqu'un musulman qui rentre dans les pays des koufars et qu'il a un visa et qu'il rentre en sécurité, eh bien il doit respecter son entente lorsqu'il rentre dans le pays des koufars de cette façon. Ou bien ceux qu'on appelle Ahlul Zimma, et Ahlul Zimma ce sont ceux qui payent la jizya parmi les juifs et les chrétiens qui vivent dans un pays musulman et qui décident de rester sur leur fausse religion. Donc ils doivent payer une certaine somme d'argent, un certain montant d'argent par rapport à ça. Donc ils vivent dans les pays musulmans, mais avec certaines conditions. Ils doivent respecter certaines conditions hein, comme ne pas montrer leur, de pas laisser paraître leur religion ou des choses de ce genre. Et donc ceux-là, ils n'ont pas le droit d'être agressés ou de, on n'a pas le droit de leur faire un tort quelconque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet que celui d'entre les musulmans qui tue un mécréant qui a une entente de paix avec les musulmans, il ne sortira pas l'odeur du paradis. Donc ça, c'est par rapport à cette, à ces catégories de kuffar qui ne sont pas la même chose que les muharibin, tandis que les kuffar, tandis que les khawarij parmi les gens de bid'ah, eux, ils ne font pas de distinction entre les différentes catégories de kuffar. Pour eux, tous les kuffar sont des muharibin. Et même les musulmans, pour eux, sont des kuffar. Donc, ils se permettent de tuer tout, n'importe qui et de tuer tous, tous ceux qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas de respect pour les pactes et les ententes que prennent les dirigeants musulmans dans les pays musulmans. Donc le cheikh, il explique ça. Donc il dit, on n'a pas le droit, ça ne veut pas dire que tu les détestes, que tu vas leur faire de l'injustice, que tu vas transgresser contre eux, que tu vas leur faire du tort. Hein? Ça, c'est ce que les koufars essaient de montrer par rapport aux musulmans, que nous on est des terroristes ou qu'on est des gens qui veulent faire la violence ou l'agression. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Nous, on n'enseigne pas ça. Et la salafia, c'est pas ça. Eux, ils essaient de faire croire que les salafis, c'est ça leur voie. Ceux qui font ça dans les pays non musulmans et dans les pays musulmans sont pas des salafis. Parce que s'ils étaient des salafis, ils respecteraient les principes de l'islam à ce sujet-là. Mais ils ne sont pas des salafis, ce sont des khawarij, des gens de bid'ah. Et ceux qui font l'amalgame dans, entre ces choses-là, c'est des gens malhonnêtes. Le cheikh, il dit ensuite aussi, qu'est-ce qu'on veut dire donc, c'est, ça ne veut pas dire que tu vas leur faire de l'injustice, tant que ce ne sont pas des gens qui sont en guerre contre un pays musulman. C'est-à-dire un pays musulman qui est en guerre contre un pays non musulman. Toutefois, le cheikh dit, ça signifie que tu dois les détester par ton cœur et que tu dois t'opposer à eux par ton cœur et que tu ne sois pas un compagnon pour eux, et, mais que tu ne vas pas leur faire du tort, hein, que tu ne vas pas leur faire du tort ou leur nuire ou leur faire de l'injustice. S'ils te donnent le salam, s'ils te saluent, tu leur réponds à leur salut. Et tu leur donnes la nasiha, tu les orientes vers le bien, hein, en voulant dire aussi tu leur fais la da'wah, tu les appelles à l'islam, tu les appelles au bien, tu leur expliques le, qu'est-ce qui est bon pour eux en même temps, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. C'est-à-dire, tu ne dois discuter avec les gens du livre que de la meilleure manière, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Verset 46 dans Sourate Al-Ankabut. Ensuite, il dit, et les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. De même que les autres parmi les koufars qui ont une entente de paix, ou une trêve, ou un pacte, ou une protection. Hein? Et si l'un d'entre eux fait une injustice, il va être rétribué pour son injustice. Hein? C'est-à-dire que si l'un d'entre eux fait une injustice, eh bien, il va être puni pour son injustice par rapport au mal qu'il fait à un musulman. Ben, soit par le dirigeant des musulmans qui va lui donner la punition. Par exemple, si un kafir vole à un musulman, il va être puni. On va l'amener à la police, il va être puni pour le péché qu'il fait. Ou bien si un musulman, hein, dans un pays non musulman, un kafir fait une injustice à un musulman, eh bien la même chose, il va être puni par rapport au système, comment eux, ils vont l'attraper, puis lui donner qu'est-ce qu'il mérite. S'il a volé ou fait une autre injustice, ils vont s'occuper de lui comme ça pour clarifier l'injustice. Ou s'il a volé l'argent, eh bien on va avoir des recours pour faire en sorte que la personne qui a volé soit punie, puis qu'on retrouve notre droit, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple par rapport à l'injustice. Sinon, qu'est-ce qui est légiféré pour le croyant, c'est qu'il discute de la meilleure façon avec avec les musulmans et avec les koufars, tout en détestant les koufars en Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est expliqué dans les versets précédents. Ça, c'est la fin de la citation en question. Ce qui vient terminer le cours d'aujourd'hui, inshallah. J'ai fait le cours plus long parce que, étant donné que c'était un cours qui était très très important, puis qu'il fallait pas que ce soit séparé par une pause, ou d'après moi il fallait que les explications soient toutes clarifiées d'un seul coup, donc j'ai voulu faire ça ensemble de cette façon là donc je m'excuse pour avoir prolongé un peu le cours par rapport à l'habituel, mais j'espère que inchallah ça permet en même temps que les choses soient claires. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inchallah, puis on continuera pour la semaine prochaine ce cours là puis demain on a l'explication de Kashf al-Shubuhat inchallah. Donc barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.